la gueule noire de nous accueillir ici dans le cadre de la quinzaine Rosa Luxembourg. Merci beaucoup à Sabrina Laure pour la rencontre et puis à toute l'équipe de l'organisation de la quinzaine qui se tient donc à Saint-Étienne. Je vais présenter en quelques mots notre association Table Rase, qui est une association à Lyon, enfin qui vient de Lyon. Table Rase, c'est comme Rosa Luxembourg, Table Rase est une association marxiste. Mais parce que les confusions sont nombreuses, il nous semble important de réaffirmer ce qu'est la théorie communiste, donc ce qu'elle n'est pas. Ce n'est ni la nostalgie de l'URSS ou de toute autre prétendue république populaire, telle que Cuba ou la Chine, ni une formule pour construire un socialisme du XXIe siècle. Table Rase se veut être un outil de diffusion, d'analyse et de développement des idées révolutionnaires qui sont l'abolition de l'État, du travail salarié, des classes sociales et de la propriété privée des moyens de production. Nous avons donc, en collaboration avec la quinzaine Rosa Luxembourg, invité ce soir à Saint-Étienne Mylène Gollard, qui est économiste, et qui va introduire la présentation de ce soir sur l'actualité de la pensée économique de Rosa Luxembourg. En effet, l'actualité économique mondiale nous offre aujourd'hui le tableau d'un bloc de pays que les journalistes appellent « émergent » et qui, sorti en quelques décennies d'économies essentiellement agraires, parfois marquées par des traits féodaux, sont devenus des puissances capitalistes de grande ampleur. La Chine et l'Inde, mais également le Brésil, la Turquie et bien d'autres, qui exportent à leur tour des capitaux, développent les relations capitalistes dans d'autres groupes de petits pays qui dominent. Donc que voyons-nous dans ces pays? En dépit des différents rythmes et de contenus, ils parcourent à une vitesse toujours plus rapide, qui correspond au cycle économique et technique du capitalisme développé, les stades qu'avaient eu à parcourir hier les anciennes puissances industrielles. La Coupe du Monde du Brésil, la destruction du parc Gezi, ou le massacre de 300 mineurs tout récemment, prouvent que le capital se fiche pas mal du sort des travailleurs. Dans ce nouveau monde, qui n'a jamais compté autant de prolétaires, chaque phénomène illustre plus que le précédent le contraste de richesse et de conditions dans la société. Rosa Luxembourg nous aide aujourd'hui encore à comprendre tout cela, sans revenir sur les controverses que rappellera peut-être Mylène Gollard autour de telle ou telle de ses thèses, ce qui est fondamental dans la pensée économique de Rosa Luxembourg et qu'elle décrit le développement du capitalisme, de ses crises et de sa mort violente de demain, que nous souhaitons, à partir des catégories critiques les plus tranchantes du capital de Marx. Rosa Luxembourg tente de saisir la loi profonde de l'impérialisme et de ses implications politiques. Elle renoue avec l'objectif des révolutionnaires, oublié depuis la contre-révolution stalinienne, l'abolition du salariat et donc de l'argent, de l'État et de la propriété privée des moyens de production. On peut penser que ce que n'a pas pardonné la bourgeoisie à Rosa Luxembourg, que la raison profonde de son assassinat par les corps francs sur ordre des sociaux-démocrates, ce n'est pas simplement sa participation à l'insurrection spartakiste, mais sa défense scientifique et constante du verdict sans appel de l'histoire qu'elle jetait en toute occasion à leur face. Votre monde est condamné. Bah déjà un petit point, histoire de mettre les choses au clair, hein, pourquoi ceux qui veulent partir veulent partir. J'ai vu sur le site de la Gueule Noire que je faisais donc une intervention sur l'actualité de la pensée politique de Luxembourg. Donc on est bien d'accord, donc ce que je vais faire c'est plutôt une actualité sur la pensée économique de Luxembourg. Bah pourquoi? Parce que je suis économiste, je me sens pas forcément très légitime pour parler des pensées politiques de Luxembourg, donc je laisserai Eric de Spolny vous en parler, vous en avez déjà parlé hier, avant-hier, j'imagine, en rééditant les écrits politiques de Luxembourg. Deuxième point pour lequel j'insisterai plutôt sur les écrits économiques, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est problème de démocratie au sein des partis, tout ce qui est... sur le fait que le prolétariat est autonome et peut finalement faire la révolution sans avoir un organe suprême au-dessus de lui, enfin, bah finalement, enfin, ça reste secondaire, je trouve, par rapport, enfin, donc à la barbarie dans laquelle nous vivons tous, hein, par rapport finalement aux problèmes économiques, enfin, face auxquels nous sommes, enfin, tous, enfin, face à face aujourd'hui. Et concrètement, enfin, moi aujourd'hui, je vois pas de gros mouvements de masse, je vois pas, enfin, finalement, donc c'est important de s'interroger sur la démocratie au sein des mouvements de masse, mais le problème c'est que ces mouvements-là, ils n'existent pas aujourd'hui, donc, enfin, donc c'est pour ça que ce deuxième point fait que, enfin, que je me pencherai davantage sur, donc sur la pensée économique de Rosa Luxembourg. Et, et donc, troisième point, donc, sur le fait d'interroger la pensée économique de Luxembourg, c'est que finalement, enfin, ce qui compte aujourd'hui, c'est savoir contre quoi on combat, contre quoi on lutte. Et donc c'est aussi bien de savoir la manière dont on lutte, mais de savoir contre quoi on lutte, c'est vraiment extrêmement important. Parce que vous montrerez donc pendant la demi-heure qui va suivre qu'aujourd'hui le capitalisme est face à une crise d'une énorme ampleur et à l'origine de tous les conflits armés qui ont pu se développer ces dernières années, et la théorie de Luxembourg peut expliquer ça. Et c'est pour ça donc c'est essentiel d'insister sur la pensée économique. Ce qu'on a tendance à oublier souvent. Voilà cette mise au point, donc, en espérant que j'ai fait fuir personne donc, en insistant sur la pensée économique de Luxembourg. Donc maintenant, sur la seule pensée économique, je voudrais rappeler quand même qu'un ouvrage majeur de Luxembourg, c'est comme l'accumulation du capital, publié en 1913. Donc là, ça a été publié en deux tomes chez Maspero. On attend que Smolny-Hagon publie sa propre édition de l'accumulation du capital. Sachant que dans cette accumulation du capital, dans ces deux tomes, Luxembourg explique énormément de choses qui permettent de comprendre le monde actuel. Et donc le but de mon intervention sera justement d'essayer de voir en quoi cette accumulation permet de voir les problèmes, aussi bien les problèmes de surproduction que tous les problèmes liés à l'augmentation des dépenses militaires dont je vous parlerai tout à l'heure, et donc à l'augmentation des conflits armés. Donc un petit point aussi sur la pensée économique de Luxembourg, je voudrais bien rappeler que contrairement à ce qu'on entend souvent, il n'y a pas d'automatisme chez Luxembourg qui dit que parce qu'il y a crise économique, il va y avoir forcément révolution. Donc on est bien d'accord là-dessus, c'est que chez Marx, chez Luxembourg, donc chez les vrais marxistes, au final, on a des crises économiques qui sont inéluctables sous le capitalisme, mais si on n'a pas de lutte sociale pour sortir du capitalisme, s'il n'y a pas de lutte sociale pour mettre fin à ce mode de production capitaliste, on passe finalement dans la barbarie. Donc c'est le fameux choix socialiste ou barbarie. Et bien aujourd'hui, on peut se demander si on n'est pas en pleine barbarie. C'est qu'on a quand même une dégradation des conditions de vie depuis 40 ans. Donc on parle beaucoup de la crise des subprimes donc depuis 2008, sachant que la crise économique remonte à la décennie 70 et peut se comprendre grâce à la Green Analyse marxiste. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas relativiser en disant non, on peut quand même essayer d'améliorer les choses en votant pour telle ou telle partie, en essayant d'augmenter les salaires, en essayant d'avoir des luttes qui restent très ponctuelles, sans vraiment vouloir mettre à bas le capitalisme. C'est qu'aujourd'hui, on est clairement en pleine barbarie, en tout cas aux portes de la barbarie, pour relativiser un peu. Et donc c'est pour ça que c'est important de s'interroger là-dessus. Donc il n'y a aucun automatisme, sans lutte sociale, il n'y a pas de raison de quitter le capitalisme. Donc le plan là, de ce que je vais faire, c'est que rapidement, donc, je vais voir les grosses difficultés économiques actuelles, notamment donc, les problèmes de surproduction qui sont expliqués chez Luxembourg, donc comment Luxembourg explique les crises économiques, et ensuite, quelles sont les manières de dépasser ces crises économiques, ponctuellement, notamment tout ce qui est dépenses militaires. C'est que finalement, les guerres, les conflits armés chez Luxembourg ont un rôle essentiel pour essayer de relancer l'accumulation, même si finalement c'est une course en avant qui est totalement destructrice. Donc finalement ça participe clairement de la marche vers la barbarie. Donc justement la suraccumulation de capital à l'échelle mondiale. Donc un petit point sur le contexte de crise actuelle, avec les outils d'analyse marxiste. Donc j'ai mon bouquin sur Karl Marx à Pékin, qui est sorti il y a deux semaines, où en fait je m'interroge sur les crises économiques dans le cas de la Chine. Aujourd'hui, grand pays émergent qu'on considère comme la grande réussite du mode de production capitaliste, pour ceux qui ne sont pas encore totalement dégénérés à parler de socialisme en Chine. Donc Karl Marx à Pékin, donc, je reprends toute la Green Analyse marxiste pour essayer de comprendre finalement les grosses difficultés économiques de la Chine qui font que d'ici peu de temps, tout risque de s'écrouler. Je ne vais pas m'attarder ici sur ce problème-là, donc on va revoir simplement le cas des pays développés. l'analyse marxiste avant de voir le problème de Luxembourg. Donc pour les pays développés, donc je vous rappelle, hein, depuis les années 60, dans la grille d'analyse marxiste, on observe bien donc une baisse du taux de profit. Donc on observe bien une baisse du taux de profit qui est liée simplement, donc je vais revenir très simplement pour ceux qui ne sont pas forcément donc, très familiers avec cette théorie, qui est liée au fait que pour Marx, on utilise de plus en plus de capital, de biens d'équipement, de machines, au détriment du travail donc dans l'appareil productif, hein, donc sous l'effet de la concurrence. Or, seul le travail crée de la valeur. Donc plus vous allez finalement augmenter l'intensité capitalistique, ce que Marx appelle la composition organique du capital, plus vous allez peser sur le taux de profit. Donc globalement, depuis les années 60, c'est ce qu'on observe dans les pays développés. Même les économistes non marxistes l'observent. Même les économistes non marxistes observent qu'on a quand même une baisse de productivité, on a une baisse de rentabilité des entreprises. Et les économistes marxistes, non marxistes en général, n'arrivent pas à expliquer ça. Donc depuis la décennie 60, on a clairement un problème sur cette baisse du taux de profit. Même si ça se redresse depuis la décennie 1980, donc depuis la décennie 80, on a un léger redressement du taux de profit, mais qui n'est pas retourné à son niveau des années 50-60. Comment on arrive à avoir ce redressement du taux de profit? Simplement avec une exploitation du travail bien supérieure. Enfin, c'est qu'aujourd'hui, on fait des pressions sur les salaires, donc ça permet de redresser le taux de profit, mais on est toujours en crise. Donc, et l'autre solution, c'est le gonflement de bulles spéculatives qui va créer donc, de la plus-value fictive, donc juste avant d'éclater. Donc, la décennie 80, depuis la décennie 80, on est caractérisé par une augmentation de l'exploitation des travailleurs et par des bulles spéculatives qui permettent de redresser temporairement le taux de profit. Donc évidemment, ça au détriment de la vie de tout un chacun lorsque ces bulles éclatent et lorsqu'on subit directement l'exploitation. Donc Marx, Luxembourg, a une vision un peu différente. Donc pour elle, dans l'accumulation du capital, elle montre bien qu'on a un problème au niveau du taux de profit, donc en 1913, hein. Mais donc elle va insister sur le fait que la baisse du taux de profit ne peut pas expliquer à elle seule donc, les crises du capitalisme. Il y a une petite formule qui dit que chez Luxembourg, que si on attend que la baisse du taux de profit mette fin au capitalisme, autant attendre que le soleil s'éteigne. Pour elle, il y a quelque chose qui est plus profond, qui est beaucoup plus dramatique pour le capitalisme, c'est les crises de surproduction. Notamment, elle reprend les schémas du livre 2 du Capital de Marx, et donc elle remontre donc, avec les formules de Marx qu'on a des phénomènes de surproduction, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à écouler tous les biens de production qui sont produits dans la section 1 et tous les biens de consommation de la section 2. Donc, pour elle, il y a un problème au niveau de la réalisation de la plus-value, c'est qu'à terme, on risque d'avoir finalement de plus en plus de marchandises excédentaires qu'on n'arrive pas à vendre. Il y a une solution pour elle, c'est l'impérialisme, qui avait déjà été étudié par Marx. Donc l'impérialisme, c'est d'aller écouler ces marchandises excédentaires dans des pays qui ne sont pas encore totalement intégrés au mode de production capitaliste. Donc la solution, c'est de vendre ces marchandises au 19e siècle, aux continents comme l'Amérique latine, comme l'Afrique, non encore intégrés au mode de production capitaliste, pour remédier à ces problèmes-là. Certains me diront « oui, mais finalement, au 19e siècle, la périphérie n'a pas vraiment été utilisée pour la révolution industrielle. » Si, c'est que la révolution industrielle, clairement, on se rend compte qu'elle n'aurait pas pu se mettre en place sans les pays dits de la périphérie, du mode de production capitaliste notamment. Tous les économistes aujourd'hui sont d'accord pour dire que l'Angleterre exportait 40% de sa production industrielle vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'actuel tiers-monde. De même pour la France. La France, en 1914, avait plus de 50% de sa production qui était exportée vers ses colonies. Donc on observe vraiment qu'on a un poids, un rôle très important en impérialisme qui permet de faire face aux crises. Certains vous diront « oui, mais cette thèse de Luxembourg, elle est remise en question aujourd'hui parce que la majorité des échanges se font entre pays du Nord, entre pays riches. » Oui, parce que justement, tous les pays ont été intégrés au mode de production capitaliste. Finalement, aujourd'hui, Luxembourg l'évoquait bien dans l'accumulation du capital, c'est qu'à terme, les pays allaient s'industrialiser eux-mêmes. Donc c'est ce qui s'est passé pour tous les pays d'Amérique latine depuis les années 30. Et donc allaient finalement faire gonfler leur propre excédent de production. Et donc allaient plus pouvoir continuer à importer les produits des pays développés. Donc finalement, depuis la décennie 1950, les pays de la périphérie sont de moins en moins utiles pour absorber les excédents de production. Et donc on peut se demander Bah finalement, quelle est la solution là, fin, c'est que l'impérialisme n'est plus suffisant pour faire face aux crises du capitalisme. Donc aujourd'hui, les dernières frontières du capitalisme ont été atteintes, donc il y a clairement un problème. Bon, certains me diront, bon, bah, il y a des problèmes de surproduction, la solution, c'est la solution de gauche, dite keynésienne, c'est d'augmenter les salaires. Donc, s'il y a trop de production, s'il n'y a pas assez de consommation, on augmente les salaires, c'est logique. Déjà dans le capital, déjà dans l'accumulation du capital de Luxembourg, Luxembourg et Marx remettent totalement en question cette possibilité. Hein. Clairement, si vous augmentez les salaires, c'est pour ça que j'ai commencé par ça tout à l'heure, bah, vous risquez de peser encore plus sur le taux de profit. Donc, du coup, il ne faut pas oublier qu'il y a ces deux problèmes. Il y a le problème au niveau de l'offre, comme on dit en économie, au niveau du taux de profit, et le problème au niveau de la demande. Donc du coup, d'essayer de penser qu'on peut sauver le capitalisme en le faisant plus réformiste, en faisant plus en faveur des travailleurs, en augmentant les salaires, c'est de la pure utopie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, de participer aux élections pour les partis qui vous promettent une hausse des salaires, c'est de la pure démagogie. C'est totalement utopique. Donc finalement, donc Luxembourg mettait bien ça en avant, et ça pose problème parce qu'aujourd'hui, l'accumulation du capital dans sa version anglaise est préfacée par une économiste qui s'appelle Joan Robinson, qui est une économiste keynésienne. Et Joan Robinson, bah, son truc c'est de dire oui, c'est vrai que Luxembourg a oublié de penser à quelque chose, c'est la hausse des salaires. Donc finalement, aujourd'hui, on a plein de keynésiens qui vont reprendre Luxembourg pour dire bah, Luxembourg avait oublié un petit truc, c'est que finalement le capitalisme on peut le sauver grâce à la hausse des salaires. Mais non, encore une fois, elle le mettait bien en avant, on ne peut pas augmenter les salaires pour sauver le capitalisme. Donc voilà, ça c'est les premiers problèmes donc, au niveau de la baisse du taux de profit, donc tous les problèmes traditionnels qui sont observés chez Marx et chez Luxembourg. Bon maintenant, je vous ai parlé de l'actualité, donc où on en est aujourd'hui? Au final on pourrait dire, c'est vrai qu'au journal de TF1 on n'entend pas souvent parler de surproduction, on n'entend pas souvent parler de baisse du taux de profit, mais est-ce qu'on a des choses concrètes sur ces problèmes-là? Bah, y a quelques indicateurs qui ne sont pas forcément révélés par les médias, qui ne sont pas forcément mis en avant. Notamment, donc, le premier indicateur, c'est ce qu'on appelle l'utilisation des capacités de production. Donc l'utilisation des capacités de production, c'est de voir que dans les entreprises, tous les biens d'équipement ne sont pas utilisés à leur pleine capacité. C'est qu'on a une machine qui va utiliser que la moitié de la journée, plutôt que 24 heures. Et donc on calcule ce taux d'utilisation des capacités de production depuis les années 50, et on observe que ce taux d'utilisation des capacités de production, aujourd'hui, il est seulement à 70%, alors qu'il y a 40 ans, il était à 85%. Donc on a une forte baisse du taux d'utilisation des capacités de production. Donc ça veut dire quoi? C'est que finalement, aujourd'hui, les entreprises ne fonctionnent pas à leur pleine capacité, n'utilisent pas toutes leurs machines. Et pourquoi? Ça, tout le monde le sait, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de demande. Donc là, clairement, tous les économistes sont d'accord, donc il y a clairement un problème de demande qui explique des taux d'utilisation qui sont assez faibles des machines. Le cas de l'automobile est assez emblématique. Le cas de l'automobile, donc aujourd'hui à l'échelle mondiale, on considère qu'on a à peu près 20% de la production automobile mondiale qui est excédentaire. Donc finalement, aujourd'hui, donc, on a de nombreuses firmes automobiles qui sont donc, en phénomène de surproduction, et ce qui explique qu'on a les États-Unis par exemple qui ont massivement renfloué ce secteur donc, après la crise des subprimes. Donc on a comme certains secteurs qui sont très touchés par ces phénomènes de surproduction, qui peuvent s'expliquer justement par la théorie de Luxembourg. Donc de même dans Karl Marx à Pékin, donc dans le livre qui est sorti il y a 2 semaines, donc j'insiste sur le phénomène de surproduction dans le cas de la Chine. Donc la Chine, donc, en général, c'est la grande réussite au niveau mondial, sachant que le taux d'utilisation des capacités de production dans les entreprises et à 50%, c'est-à-dire que 50% des machines ne sont pas utilisées, donc la moitié du temps. En gros, on n'utilise que 50% donc, des machines. Donc on a un taux d'utilisation des capacités de production donc, qui est très très faible. Et à côté de ça, on a des gros phénomènes de surproduction. Donc tout le monde a entendu dire que la Chine était le premier producteur d'automobiles au monde. Donc aujourd'hui, en Chine, on produit à peu près 20 millions d'automobiles au monde. Donc la Chine est même passée devant les États-Unis. Et sur ces 20 millions d'automobiles, aujourd'hui, on estime que plus de 5 millions est excédentaire, c'est-à-dire qu'on a 5 millions de véhicules qui restent dans les parkings qui sont invendus. On a ces problèmes-là dans l'automobile en Chine, on a ces problèmes-là dans les panneaux solaires, dans l'éolien, dans tous les matériaux de construction. Donc on a de nombreux secteurs qui rencontrent des difficultés, et qui font que le gouvernement chinois est obligé d'essayer de trouver des solutions, de concentrer les entreprises, d'en fermer certaines, en tout cas d'essayer de ralentir un peu le processus d'accumulation pour limiter ces phénomènes. Donc là, clairement, la Chine est un exemple type. Et c'est évident qu'avec un taux d'investissement qui a atteint un record mondial, 47% du PIB, et une consommation qui a atteint aussi un record mondial, mais dans le sens inverse, à 35% du PIB, la consommation des ménages en Chine, elle correspond donc relativement par rapport au PIB, elle correspond donc à la consommation des républiques démocratiques du Congo. Donc certains expliquent cette surproduction par la déconnexion entre l'investissement et la consommation des ménages. Mais sachant que la thèse de Luxembourg, donc sur les schémas de production, explique justement ces phénomènes de surproduction finalement beaucoup plus clairement. Est-ce qu'il y a une solution pour faire face à cette surproduction aujourd'hui? Donc avant de voir les dépenses militaires, on peut peut-être insister sur le rôle de l'endettement public et privé. Donc clairement aujourd'hui on a une grosse bulle du crédit, l'endettement privé a énormément augmenté, on a beaucoup parlé des États-Unis pendant la crise des subprimes. C'est que faire face à la surproduction américaine, donc le gouvernement américain a beaucoup encouragé les ménages américains à s'endetter auprès des banques, notamment donc en 2008 on considérait qu'en moyenne la dette des ménages américains atteignait 145% de leurs revenus. Donc la dette totale correspondait à 140% de leurs revenus annuels, ce qui est extrêmement élevé, mais sachant que dans le cas de la France ça a énormément augmenté. Aujourd'hui on a un taux d'endettement des ménages en France qui atteint 80%. Et la Banque de France insiste de plus en plus sur les phénomènes de surendettement des ménages. C'est qu'on peut avoir une crise de surendettement en France comme celle qui s'est produite aux États-Unis donc en 2007-2008. Donc là, clairement, cette bulle du crédit privé a permis de faire face en partie à la surproduction, de limiter les phénomènes de surproduction donc à l'échelle mondiale. On a l'endettement privé, mais finalement, l'autre endettement extrêmement important à côté, c'est comme l'endettement public. Donc l'endettement public, on en parle beaucoup, je pense qu'on a du mal à voir son ampleur. C'est que la dette publique américaine aujourd'hui, elle est légèrement supérieure à 100% du PIB, la française, elle est à 95% du PIB, alors qu'on était donc autour de 20-25% au début de la décennie 80. On a eu une explosion de la dette publique dans les pays développés, qui correspond à la dette publique qu'on avait pendant la première et la seconde guerre mondiale. Donc le niveau des dettes publiques n'avait jamais été atteint auparavant en dehors de ces situations de guerre. Donc là, c'est ce qui montre clairement qu'on est dans une situation d'urgence où seul l'État finalement arrive à injecter suffisamment d'argent dans l'économie pour essayer de limiter l'ampleur de la catastrophe. Mais encore une fois, donc Marx insistait aussi beaucoup là-dessus, Luxembourg aussi, c'est que l'État, il fait que mettre en place une espèce de capitalisme drogué, c'est que finalement cet endettement repose absolument sur rien. C'est que la dette des ménages américains, on a bien vu qu'en 2008, elle a fini par s'écrouler. C'est qu'on a des ménages américains qui n'arrivent plus à rembourser. La dette publique, le gros débat aujourd'hui en économie, c'est de savoir est-ce qu'on est pour ou contre la dette publique. Mais sachant que là, c'est le même principe. C'est que la dette publique, on est toujours dans un capitalisme drogué qui risque d'éclater à un moment ou à un autre. Donc voilà vraiment ce qui montre que la pensée du Luxembourg est vraiment d'actualité, c'est que tous les problèmes économiques rencontrés actuellement sont liés au phénomène de surproduction qui est analysé dans l'accumulation du capital. Maintenant, l'autre point qui est important, qui est évoqué chez Luxembourg, c'est la question militaire. Donc c'est l'analyse marxiste, luxembourgiste des dépenses militaires, permet aussi de mieux comprendre ce qui se passe actuellement. C'est que l'arrivée de la barbarie, elle s'explique par la multiplication des crises. Depuis la décennie 70, les pays développés sont confrontés régulièrement à des crises qui font qu'aujourd'hui, un pays comme la Grèce ou comme l'Espagne ont 25% de chômeurs, ou en France, on a un taux de pauvreté qui est à 15% de la population française, on oublie souvent. Non seulement on a une dégradation des conditions de vie, on a des crises économiques de plus en plus importantes, mais surtout, on a une multiplication des dépenses militaires et des conflits armés. Et ça, Luxembourg l'a expliqué dans l'accumulation du capital. Dans le dernier chapitre du livre 2 de l'accumulation du capital, on a un point de Luxembourg sur les dépenses militaires. Et donc, elle montre que ces dépenses militaires sont une solution temporaire au phénomène de surproduction et à la suraccumulation. Et finalement, Rosa Luxembourg est la première économiste marxiste à avoir évoqué cette question militaire. Cette question, du militaire pour absorber la surproduction de l'appareil productif capitaliste. Même si après, par la suite, on a beaucoup à parler. Je sais pas si certains connaissent parmi vous, enfin, Paul Baron et Paul Sweezy. Sur lesquels on a beaucoup parlé, mais sachant que ce ne sont pas les économistes initiateurs du concept de défense militaire pour relancer l'accumulation. La première économiste marxiste est quand même Luxembourg à avoir évoqué la question. Donc finalement, dans le dernier chapitre de l'accumulation, elle montre que les dépenses militaires, ça n'a absolument rien à voir avec les autres dépenses de l'État. Donc notamment, elle insistait beaucoup sur les dépenses de l'État qui permettaient d'entretenir les fonctionnaires, qui permettaient d'entretenir l'appareil d'État traditionnel. Et une petite citation, donc, elle disait que ces dépenses publiques traditionnelles, elles faisaient que transférer une partie de la consommation de la classe ouvrière aux parasites de la classe capitaliste. Donc finalement, on baissait la consommation de la classe ouvrière, mais on augmentait la consommation de ces classes dites parasites, donc par Luxembourg. Donc au final, ça se compensait. Donc on n'arrivait pas à lutter contre la surproduction de cette manière. Par contre, le militaire, c'est un nouveau champ pour l'accumulation pour Luxembourg. C'est un nouveau champ donc, pour essayer de résoudre les crises. Pourquoi? Parce que ça permet de stimuler l'investissement. C'est que finalement, donc, elle montre qu'on va extorquer des impôts. Donc on va augmenter les impôts en direct. Donc extorquer donc, à la population, donc, aux ouvriers, aux paysans, donc à l'ensemble de la population. Donc pour augmenter finalement artificiellement la plus-value et pour investir dans l'industrie militaire. Donc finalement, on a une augmentation de l'exploitation pour investir dans l'industrie militaire. Et là où ça change finalement de l'entretien de l'appareil d'État, bah, c'est qu'une partie de ces dépenses militaires va être détruite directement sur le terrain militaire, sur le terrain des conflits armés. Donc là, on résout les problèmes de surproduction simplement en détruisant les marchandises. Pour Luxembourg, le militaire correspond à des nouveaux débouchés pour l'État. Permet de recruter de nouveaux travailleurs, d'investir à nouveau, et en plus de lutter contre la surproduction en détruisant finalement les marchandises produites pendant les conflits armés. Donc c'était la solution idéale pour essayer de relancer le capitalisme, évidemment, donc aux frais des conflits armés et de tout ce qui s'ensuit. Certains me diront « Oh, c'est gros !» D'où l'actualité. Comment on peut comprendre finalement ces dépenses militaires aujourd'hui? Donc l'actualité, on va retourner peut-être au 19e siècle, c'est qu'on a des économistes, notamment comme Werner Sombart, des socio-économistes comme Werner Sombart, donc à la fin du 19e siècle, qui expliquaient que sans conflit armé, sans dépenses militaires, on n'aurait pas eu de révolution industrielle. Donc on a un autre économiste qui s'appelle Veblen, donc pareil à la fin du 19e siècle, qui montrait que on a eu une grosse dépression, donc la fameuse Grande Dépression à la fin du 19e siècle, entre l'Espagne et les États-Unis, donc à la fin du 19e siècle, on n'aurait pas pu sortir de cette crise, de cette Grande Dépression. Donc finalement, historiquement, on s'aperçoit, c'est vrai que le militaire permet d'offrir de nouveaux débouchés, permet d'offrir de nouveaux champs d'investissement, permet finalement de stimuler l'innovation également, et donc permet de stimuler énormément donc, le mode de production capitaliste. La Première Guerre mondiale, donc on l'oublie souvent, mais en 1914, les États-Unis étaient en récession. Donc les États-Unis étaient en récession. Et là, miracle, donc le conflit armé, donc la Première Guerre mondiale, a fait qu'on a un taux de chômage qui est passé de 7,9% de la population active en 1914, donc 7,9% le chômage en 1914, à 1,4% en 1918. Donc finalement, donc la Première Guerre mondiale, on s'aperçoit qu'elle a redonné un peu du souffle donc à l'économie américaine qui commençait un petit peu à s'essouffler. Donc justement, avec le fait qu'on avait un cinquième des ressources donc américaines qui étaient orientées vers la guerre donc pendant le premier conflit armé, on voyait que c'était extrêmement performant. On a un autre économiste, Keynes, le fameux économiste de gauche des années 30, on pourrait dire, qui insistait aussi beaucoup sur le rôle des défenses militaires. Là, j'ai une citation de Keynes qui vous disait « La construction de pyramides, les tremblements de terre et même les guerres peuvent servir à accroître les richesses. » Donc ça peut paraître un peu cynique, mais globalement, on observe que c'est vrai que sans ces guerres, sans ces conflits armés, on n'a pas ce redressement du capitalisme. Donc c'est pour ça qu'on parle de keynésianisme militaire en général. Le keynésianisme militaire, c'est que les États se rendent compte, je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure, que pour relancer le système, il faut investir de plus en plus dans le militaire. Donc Keynes, en 1931, mettait sur le même plan les dépenses civiles et militaires. En 39, Keynes écrivait un petit article pour dire qu'il fallait absolument un plan de réarmement pour la Grande-Bretagne, pas pour faire face à l'Allemagne nazie, hein, mais pour redresser l'industrie britannique. Donc là, clairement, les économistes, assez orthodoxes, assez libéraux, hein, comme Keynes, qui finalement se rendent compte eux-mêmes, donc dès les années 30, que c'est vrai que ces dépenses militaires sont vraiment indispensables. Donc c'est vrai qu'en 1938, donc on avait un plan de relance qui avait été mis en place à l'époque, on avait essayé d'augmenter les salaires, etc., donc le fameux New Deal américain. En 1938, on s'aperçoit que le New Deal américain, ce plan de relance, il traîne un peu, hein, et que l'investissement en 1938, il n'a pas retrouvé son niveau de 1929. Hein. Quelle est la solution? Finalement, c'était la Seconde Guerre mondiale. Hein. Enfin, sans la Seconde Guerre mondiale, l'économie capitaliste n'aurait pas retrouvé son souffle. Hein. Donc on a calculé, donc, entre 39 et 44, le PNB américain, donc le PNB des États-Unis, a augmenté de 154%. Donc le produit national brut des États-Unis a augmenté de 154%, la richesse produite sur le sol américain. De même, les bénéfices des sociétés américaines ont augmenté de 290%. Donc là, clairement, on s'aperçoit que les guerres, les conflits mondiaux sont extrêmement juteux pour le capitalisme et surtout permettent de le redresser. Après la Seconde Guerre mondiale, ça aurait dû s'arrêter. Donc évidemment, on a le prétexte de la guerre froide. Hein. Donc entre 48 et 52, on se dit, c'est fini, c'est bon. Enfin, entre 48 et 52, finalement, les budgets vont continuer à augmenter. Entre 48 et 52, les budgets de l'Europe de l'Ouest et des États-Unis pour la défense, pour le militaire, sont multipliés par deux. Donc, sous prétexte de guerre froide, mais en même temps, c'est parce qu'on se rendait compte que ça redressait un petit peu la situation. Et c'est vrai que, entre 48 et 52, 44% des dépenses publiques des États-Unis et 20% des dépenses publiques de la France étaient orientées vers le militaire. Donc là, clairement, ça montre la pertinence de la thèse de Luxembourg sur cette question des dépenses militaires. Donc, même logique en 2011, hein, donc on insiste très peu là-dessus, mais donc certains d'entre vous connaissent peut-être l'économiste Paul Krugman, donc qui est très médiatisé, donc c'est un économiste américain qui a eu le prix Nobel il y a quelques années. Et en 2011, Paul Krugman disait « Les dépenses militaires créent des emplois quand l'économie est déprimée. En ce qui concerne la demande agrégée, dépenser pour des bombes est aussi bien que dépenser pour des parcs publics. Certains libéraux détestent cette conclusion, mais l'économie n'est pas un jeu moral, dépenser pour des choses que vous n'aimez pas est toujours dépenser. » Bon, ça peut paraître cynique, hein, mais globalement, c'était déjà l'analyse de Luxembourg. Hein. Globalement, aujourd'hui, même les économistes libéraux se rendent compte que le militaire est indispensable pour redonner du souffle au capitalisme. Bon, le cas américain, il est important à voir parce que les États-Unis, c'est comme 45% des dépenses militaires mondiales. Donc les États-Unis représentent 45% des dépenses militaires mondiales. Et on s'aperçoit que c'est seulement depuis la décennie 1950 que les États-Unis se sont dotés d'un appareil militaire permanent. C'est-à-dire qu'on a un gonflement des dépenses militaires depuis 1950 aux États-Unis qui lui ont permis finalement de garder leur position économique. Donc, et politique à l'échelle internationale. À la fin des années 70, donc alors que c'était un peu ralenti, notamment avec les républicains au pouvoir, à la fin des années 70, on va utiliser le prétexte de l'invasion de l'Afghanistan par les soviétiques pour réaugmenter le budget. Et là, même les républicains, qui jusque-là étaient un peu hostiles même aux dépenses militaires, vont se dire, finalement, c'est vrai qu'on est en crise aussi pendant la décennie 70, d'où l'intérêt d'augmenter ces dépenses. Et c'est là que finalement Reagan arrive au pouvoir. Et Reagan va mettre en place donc, la fameuse guerre des étoiles, donc l'initiative de défense stratégique, donc avec des dépenses militaires donc, faramineuses, hein, avec le projet d'avoir un énorme bouclier pour protéger les États-Unis d'une attaque nucléaire. Mais on va avoir finalement des dépenses extrêmement fortes dans ce domaine-là. Et ce qui va expliquer en partie qu'entre 1980 et 1990, on va avoir un gonflement de la dette publique américaine qui a passé de 25% du PIB à 50%. Et ces dépenses militaires ont servi en grande partie donc, à gonfler cette dette. Finalement, après la disparition de l'URSS, on aurait pu se dire les dépenses ont peut-être diminué, on n'est plus en situation de guerre froide. Mais finalement, à la disparition de l'URSS, on a de nouveaux ennemis qui vont apparaître. On a l'Irak, on a les États voyous. On a le terrorisme global, on a la guerre des civilisations qui est mise en avant à l'époque pour justifier les dépenses militaires des États-Unis. Et là, juste quelques chiffres importants, c'est qu'en 1990, le militaire absorbait 66% des produits d'industrie aéronautique. Donc finalement, donc une société comme Boeing ou même comme Airbus, donc en Europe, ont pu se développer donc essentiellement grâce aux débouchés militaires. La construction navale, c'est 93%. 93% de la construction navale, donc des produits d'industrie de la construction navale, vont vers le militaire. 50% des équipements de télécommunications vont vers l'industrie militaire, donc en 90. Donc, finalement, jusqu'à la décennie 2000, il y a un petit retour de croissance, hein, donc il y a une grosse bulle spéculative qui s'est formée dans la bulle Internet. Hein. Ouf, bah, en 2000, ça éclate. Hein. 2005, ça éclate. Et c'est là qu'on observe, donc il y a vraiment... C'est systématique. Hein. Dès que la croissance ralentit, on observe qu'il y a à nouveau une augmentation des dépenses militaires. Donc 2000, on a une bulle Internet qui éclate, qui risque de remettre en question donc, la croissance économique américaine de façon dramatique. Hein. C'est qu'on l'oublie souvent, celle-là, donc la fameuse bulle des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Elle a fait extrêmement peur au gouvernement américain parce que là, clairement, on craignait donc une grosse récession économique. Ah, bah, donc finalement, donc, la solution... c'est qu'on va encourager l'endettement des ménages américains, donc ça on en a beaucoup parlé donc pendant la crise à subprime, ce qui est une des conséquences donc, de cet éclatement de la bulle Internet. Mais finalement, l'autre solution c'est quoi? Finalement c'est assez cynique, hein, mais peu de temps après, on a le 11 septembre 2001, on a les attentats du World Trade Center. Les attentats du World Trade Center, finalement, ils vont permettre de justifier une augmentation sans précédent des dépenses militaires américaines. Et ces dépenses, donc là j'ai un petit chiffre, en 2000 elles sont passées de 400 milliards de dollars, ce qui correspondait à 3,5% du PIB, à 700 milliards en 2010, donc à 6% du PIB. Donc on a un gonflement vraiment sans précédent de ces dépenses. Hein. Donc même pendant la guerre froide, on n'avait pas eu une montée aussi subite de ces dépenses militaires. Donc ces dépenses, elles sont au même niveau que l'éducation aujourd'hui aux États-Unis. Entre 2001 et 2005, donc en pleine bulle immobilière, on avait compté que ces dépenses militaires correspondaient à 30% d'investissement privé. Donc alors qu'on avait un investissement massif qui était fait dans l'immobilier, dans l'économie américaine, on avait comme quasiment un tiers de cette somme qui était représentée par l'industrie militaire. On retrouve un peu l'analyse de Luxembourg, hein, c'est que ces dépenses militaires vont s'expliquer, vont permettre de relancer le capitalisme, et vont s'expliquer à la fois par une augmentation des impôts indirects et des impôts tout court, hein, qui vont permettre de financer ça, donc une augmentation de l'exploitation des travailleurs. Mais l'autre solution, qui n'a pas forcément été suffisamment développée par Luxembourg, à mon avis, c'est le problème de l'endettement. Hein. C'est que clairement, l'endettement, la rentrée dans un capitalisme drogué, a permis d'absorber... Donc de donner davantage de pouvoir à l'État donc pour ses dépenses militaires et pour absorber donc tous les excédents de production de l'industrie. Donc à l'échelle mondiale, donc les États-Unis ne sont pas les seuls, hein, à l'échelle mondiale, on a un gonflement de ses dépenses militaires, on est passé de 800 milliards en 1998 à 1400 milliards aujourd'hui. Donc on a quasiment un gonflement des dépenses militaires donc depuis 1998, un doublement donc dans tous les pays. Donc la France est pas mal située, hein. Donc on a les États-Unis en premier au niveau des dépenses militaires. On a la Chine en deuxième, on a la France en troisième. Donc finalement, même la France est concernée. Hein, on oublie parfois de le mettre en avant, mais la France, dans ses postes des dépenses de l'État français, le premier poste de dépenses de l'État français, donc c'est l'éducation. Deuxième poste, c'est les intérêts de la dette. Le troisième poste, c'est la défense. Donc finalement, la défense prend une place extrêmement importante, alors que clairement, on n'est pas dans une situation de guerre. Hein. Même si c'est justement ces dernières semaines, on a beaucoup insisté sur le fait que François Hollande voulait réduire les dépenses liées à la défense, mais là finalement on a tout un processus qui est en train de se mettre en place pour éviter justement ce ralentissement qui risquerait de plonger certaines entreprises dans la crise. Hein. Donc, moi, est-ce que ça permet de lutter contre le ralentissement du capitalisme? Finalement, de moins en moins. Hein. C'est que depuis les années 70, on s'aperçoit que l'augmentation de la dette publique, elle permet de moins en moins de relancer la croissance du PIB. Il y a un petit calcul qui a été fait, hein, c'est qu'en dans la décennie 70, lorsqu'on augmentait de 1 dollar donc la dette américaine, on augmentait de 60 cents donc la croissance, donc ce qui était créé comme richesse. Aujourd'hui, lorsqu'on augmente de 1 dollar donc la dette publique américaine, on augmente seulement de 20 cents donc la croissance, donc la richesse supplémentaire qui est créée dans l'économie. Donc finalement, aujourd'hui, ce que je disais, c'est qu'on a quand même toujours une multiplication des phénomènes de surproduction. On a toujours une accumulation de dettes qui fait qu'on est clairement dans un capitalisme drogué et on risque finalement d'avoir une crise de surendettement donc à l'échelle mondiale. Donc ça, ça peut s'expliquer essentiellement par Luxembourg. Un dernier petit point, certains me diront, peut-être que il y aurait une solution. Donc, si vous n'avez pas totalement suivi, pourquoi on ne dépense pas plus dans l'industrie civile? Donc, c'est souvent ce qui est dit. Donc, certains vous diront, on a beaucoup de marxistes, notamment au sein du PCF aujourd'hui, qui vont vous dire, oui, mais en fait, l'État, il n'est pas si méchant que ça, parce que finalement, on pourrait pousser à aller aux élections et pousser l'État à diminuer ses dépenses liées à la défense et à finalement aller vers une révolution énergétique, aller investir dans les éoliennes, dans les panneaux solaires, et pour diminuer le coût de l'énergie. Ça permettrait d'absorber les excédents de production. Ça se répète depuis 50 ans, ce débat-là. Pourquoi cette analyse n'est pas bonne? Pourquoi l'industrie civile ne peut pas remplacer l'industrie militaire? Donc Luxembourg, finalement, l'évoque déjà dans le dernier chapitre de l'accumulation du capital. Donc c'est que le but de l'industrie militaire, c'est d'absorber les excédents de production, mais c'est aussi de les détruire. Parce que dans ces cas, les éoliennes, les panneaux solaires, tout ça, il faudra penser à les détruire juste après. Sinon, vous n'allez pas accumuler les panneaux solaires, il y en aura trop. Finalement, l'industrie militaire, elle est utile parce qu'avec les conflits armés, elle détruit la marchandise. Donc ça, c'est parfait pour résoudre les problèmes de surproduction. Deuxième point, l'industrie militaire, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique? C'est qu'elle est extrêmement concentrée. C'est que finalement, aujourd'hui, on a les entreprises comme Boeing, comme Airbus en aéronautique, on a Dassault finalement, comme marchand d'armes en France, qui sont des énormes entreprises, le groupe Lagardère aussi, qui investit énormément dans la défense. On a des entreprises qui sont très très concentrées, qui permettent d'avoir beaucoup de profits, et donc finalement qui sont extrêmement rentables, extrêmement juteuses, parce qu'elles peuvent imposer les prix qu'elles veulent. Donc on n'aurait pas ça dans l'industrie civile. L'industrie civile, ça ferait peser finalement les prix vers le bas, et mènerait ces entreprises finalement à faire les mêmes difficultés que les autres entreprises. Et surtout, mon troisième point, c'est que le fait que ces entreprises soient très concentrées, soient très monopolistiques, ça fait qu'on oublie souvent, c'est qu'elles ont un rôle très important pour la recherche et développement. C'est que le fait d'avoir des entreprises qui sont très rentables, très juteuses, et finalement qui arrivent à retirer des profits assez importants, ça permet d'avoir une recherche et développement, très stimulée qui se répercute ensuite dans le civil. Bon, qu'est-ce qu'on a comme exemple? L'exemple du nucléaire déjà, on va pas insister là-dessus. L'exemple du nucléaire, donc sans l'industrie militaire, on n'aurait pas pu vraiment se développer. Des exemples plus concrets aujourd'hui, donc le cas d'Internet. Le cas d'Internet, quel était le but d'Internet au départ? C'est qu'en 62, le but c'était d'assurer les communications après une attaque nucléaire. Donc le but d'Internet, donc des premiers pas d'Internet, c'était d'assurer les télécommunications. Donc avec un concept de réseau décentralisé, où en fait l'information était transmise par petits blocs. Donc on avait un centre de recherche américain qui avait créé ce système de réseau décentralisé en cas d'attaque nucléaire, donc ça on l'oublie souvent. Et c'est seulement dans la décennie 80 que ça va être adapté à l'industrie civile. Mais sans militaire, on n'aurait pas eu d'Internet. Donc pareil pour les ordinateurs. Le premier ordinateur de l'histoire, il va apparaître après la Seconde Guerre mondiale, surtout pour le besoin des bombes atomiques. Donc jusqu'en 1955, le but des ordinateurs, ça va être de gérer finalement tout le nucléaire et toutes les bombes nucléaires. Et tout ça s'était développé dans la Seconde Guerre mondiale, évidemment. Un autre point aussi, le premier avion commercial américain, le Boeing 707, qui a été lancé en 1957, c'est finalement le descendant d'un avion américain ravitailleur, donc de la Seconde Guerre mondiale. C'est finalement, les avions commerciaux aujourd'hui seraient pas nés sans le développement, sans le perfectionnement de l'industrie aéronautique pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc finalement, on a énormément d'exemples dans l'industrie aujourd'hui qui montrent que sans l'industrie militaire, même la recherche et développement, même les innovations d'industrie civile n'auraient pas pu être développées. Donc c'est pour ça que ça reste très utopique de se dire « Bon, on pourrait toujours sauver le capitalisme en investissant dans des nouveaux secteurs qui sont plus bénéfiques pour l'environnement, enfin, pour la santé, etc., enfin, pour l'énergie. Enfin, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'innovation sous le mode de production capitaliste sans industrie militaire. C'est que les grandes innovations sont vraiment liées à ce secteur. Et surtout, ce secteur, bah, comme je l'ai montré tout à l'heure, il a permis d'absorber donc, des biens excédentaires produits par le mode de production capitaliste. Ce que l'industrie civile est incapable de faire, parce que donc, justement, Luxembourg le montrait, c'est qu'on a des phénomènes de surproduction qui sont clairement inéluctables sous le capitalisme. Bon, enfin, ça peut pas être une analyse pessimiste tout ça, hein, enfin, c'est finalement quand on s'aperçoit qu'on a un capitalisme qui est en crise, qu'on a enfin, des phénomènes de surproduction qui vont augmenter de plus en plus pour faire face à cette surproduction. On va multiplier les bulles spéculatives sur le marché financier, au niveau des dettes publiques, des dettes privées, enfin, on va multiplier les conflits armés, donc les dépenses militaires. Donc peut-être que la solution là, pour faire face à la crise actuelle, c'est un prochain conflit mondial. Donc ça reste très pessimiste tout ça. Mais ce qui est important comme de garder en tête, bah, c'est comme d'être conscient de ce qui se passe. Hein. C'est qu'aujourd'hui, clairement, on est à une période de l'histoire où, en admettant qu'on ne soit pas encore totalement dans la barbarie, ça y ressemble fortement. Hein, et que sans lutte sociale pour mettre fin à ce mode de production capitaliste, on ne sortira pas de ces difficultés-là. Enfin, il ne faut pas oublier que le mode de production capitaliste, donc table rase, l'a rappelé tout à l'heure, hein, c'est l'État, c'est le salariat, c'est la valeur. Enfin, donc finalement, d'aller participer à des élections pour voter pour tel ou tel parti, ça reste un peu absurde. Hein, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité de réforme du capitalisme. Hein, c'est qu'on est finalement au pied du mur. Ça reste très pessimiste. Donc c'est important d'être conscient de ça et de pas se faire flouer finalement par de fausses solutions. Finalement je vais conclure. Je m'excuse peut-être de vous avoir un peu cassé le moral avec cette présentation.